Salut à toutes et toutes, la tribu. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je suis au top. Bienvenue dans la Vampire Freaks numéro 17, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. On commencera cette soirée avec Pantera et leur classique Crowboy From Hell. C'est aussi le titre de l'album sorti en 1990. C'est le cinquième album studio de Pantera, mais leur premier vrai succès. On retrouve Primal Concrete Rage, Psycho Holiday, Heresy entre autres. On poursuivra avec Faux Départ des Ordures Ioniques, c'est sur l'EP Kick La Cacane, sorti cette année. J'attends impatiemment leur prochain album afin de pouvoir vous le faire découvrir. Je diffuserai ensuite Fatty Dread de Judge Dread, c'est sur l'album Last of Skins, sorti en 1976. On peut entendre sur cet album Brick Back the Skin, Dread Rock, de Winkleman notamment. J'adore cet album. On continuera cette belle soirée avec Cannavis, des Bretons de Van de Long Riff. C'est sur l'album À bout portant, sorti en 2011. On retrouve La Crise, Résiste, Complot et plein d'autres. Et on finira ce bloc en live avec les Stéphanois de la Dubbing et le titre Tout ce qu'ils veulent, en live à l'Olympia, sorti cette année. Tout ce qu'ils veulent, et ben c'est le premier morceau de la Dubbing que j'ai entendu. Et malgré mon rocker de rocker, j'ai adhéré direct, comme beaucoup d'entre vous, à la mouvance dub. Out with a cowboy's prepared. Enfoiré. culture mais pour tous la même nation. Oh. Yeah. Et s'il vous plaît, tout le monde avec nous. Tout ce qu'il va, c'est une phrase qui ferme sa gueule. Tout ce qu'il va, c'est une nation comme idole. Une fois de plus, nos enfants s'est tombé. Ma terre, quand elle répète ses fils et qu'elle nous considérons les trois. Hier, nos racines, nos pères, fait d'une histoire commune, amour et elles vont de pair. Mais ces trois couleurs sur le drapeau ne suffisent plus à colorer ce tableau de ce pays, de son peuple possible. L'identité ne se résume pas qu'à un mot. Je ne veux le point bien où j'ai pris mes idées au point. Dans la même condition, la même politique en éventail. Ils nous prennent de haut, on va pour des idées au point. Car notre identité est plus mensuelle pour leur faire mal. Et Paris, tout le monde la main en l'air. Tout le monde le voit en l'air, on ne se laissera jamais plus faire et tu sais. Je vois toutes les mains en l'air. Tout ce qu'ils veulent, c'est une fois de plus, ta machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. Une fois de plus, ta sentence s'est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sortir chez soi, non. Pas à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi, non. J'attaque tes envies de voir quitter ce pays. J'attaque pour nos frères, la morale et nos vies. J'attaque comme elles font ses lois. J'attaque quand son j'ai mépris. J'attaque et dans ton tact, tu putain d'ironie. J'traque ton discours, j'traque ton air vert. J'traque tous tes hommes quand ils renvoient les charters. Même les plus tranquilles deviennent vénères en temps de guerre. Give it up, give it up. Enfants d'immigrés, tout ce qu'on fait, nos parents nous donnent le droit de ne pas douter de ce que l'on est, de ce qu'on fait là. Les valeurs se perdent, aucun hymne ne les ramènera. Mille couleurs au drapeau, car toi ne suffisent pas. On ne choisit pas où on n'est pas toujours où on va. Frères sans papier, donnons-le au moins le choix. On trie même les hommes, certains deviennent des poids. On fait des lois pour ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, ta machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. Une fois de plus, ma sentence est tombée. Attends, doucement, doucement, doucement, doucement, doucement. Et on va essayer de faire ça ensemble, on va essayer de faire ça ensemble. Alors s'il vous plaît, Paris, l'Olympia, tout ce qu'ils veulent. Plus fort. Si je reste, tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi, non. Mon identité, mon distance. Vous êtes toujours sur Vampire FX numéro 17, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. On commencera ce bloc avec Dire Straits et leur grand classique Sultans of Swing. C'est sur leur premier album qui s'appelait Dire Straits qui est sorti en 78. On peut entendre sur ce Dix, Down the Water Leave, Setting Me Up, Six Blade Knife notamment. Et ce Sultans of Swing deviendra leur marque de fabrique et le surnom de Dire Straits. Je diffuserai ensuite Pile ou Face des Shérifs, c'est sur l'album du Poudron et des Glumes, paru en 91. On retrouve sur cet album Ne compte pas sur moi, Arrête d'aboyer, Mords pas, Condamné à brûler et plein d'autres. On poursuivra en douceur avec Masada d'Alpha Blondy, c'est aussi le titre de l'album sorti en 1992. On peut entendre Masada, Rendez-vous tonight, Les Chiens, Peace in Liberia, un superbe album. Puisqu'on sera dans le vieux son, je diffuserai Special K des Placebo. C'était en 2000 sur l'album Black Market Music, vous vous en rappelez? C'est le troisième album studio de Placebo. On peut entendre Taste on Men, Spite and Malice, Blue American, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec les Cowboys Fringants et le titre La Manifestation du live à Paris en 2009. Un super album live en écoute sur toutes les plateformes légales. Une tuerie cet album.

up my scenes. While the birds sing, I'm gonna walk up to the top of the rock of sacrifice. 'Cause I know now life ain't no dice. Yes, I know now life is a sacrifice. And I know now life is a sacrifice. Witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. I'm gonna witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. Sleep by the Dead Sea and rise up with the birds from the east and clean up my sins. While the birds sing, I'm gonna climb up to the top of the rock of sacrifice. 'Cause I know now the Lord has come to forget his people. Yes, the Lord has come to forget his people. Yes, the Lord has come to forget his people. Witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. I'm gonna witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. Yes, from Masada. Song from Masada. Et ce but terminé, à qu'on est rendu déçu, tout mouillé, abattu en croisant les secours. ballon et dans le forcing d'un mégot. J'en suis venu à la condition, ça va pas mal du soleil. Sinon c'est pas mal la règle, on va faire la révolution. C'est bon. C'est vrai qu'on n'a rien changé. On a causé un bouchon de circulation, ça fait deux jours, mais ça a gagné. Ah, je les adore, moi, les Cowboys Fringants. Pour info, la semaine dernière, ils ont sorti un album qui s'appelle Octobre. La semaine dernière, il y a un titre qui n'a pas été diffusé alors qu'il était dans la playlist. Il s'agit de Rat Race, des spéciales. Et merci de me l'avoir réclamé par la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. On commencera ce bloc donc avec les Specials et Rat Race en live de 1979. On poursuivra avec Pas de Justice, Pas de Paix, des Brigada Forest Magon. Et oui, la semaine dernière, j'ai diffusé J'aurais voulu. Et en fait, ce sont les ex-Brigada Forest Magon, J'aurais voulu. Et j'ai vu que ça vous avait plu. Donc promis, j'essaye de vous avoir d'autres morceaux parce que vous avez été nombreux à me dire que vous aimiez. J'ai raté un truc de fou pas loin de chez moi la semaine dernière que j'étais malade. Il y avait les Crétins des Alpes et les Ramoneurs de Menhir. Du coup, on va jouer les prolongations avec les Crétins des Alpes. C'est sur l'album Yodé, sorti en 2014. Allez faire un tour sur la page Facebook, les Crétins des Alpes. Attention, les Crétins, L-A-I-D-S, comme les pas beaux vilains. Je vous ferai découvrir le nouveau titre de Prime Sinister, I Can Change. C'est sur l'album de Blackest Movie. Pareil, allez faire un tour sur la page Facebook de Prime Sinister. On a commencé ce live et on finira en live avec Indochine et Alasso. C'est sur l'album Black City Tour cette année. Un excellent concert. Ah oui, et par rapport au Prime Sinister, l'album de Blackest Movie est sorti cette année. Et on peut l'entendre sur greatdanrecords.bandcamp.com. Mais enfin, je donnerai le lien sur la page Facebook de l'émission parce qu'il est très compliqué. Donc allez faire je vous donnerai les références sur Vampire Freaks, l'émission en radio. Next song's for all you students who are going to walk out of here missing your mothers and fathers, but you're going to have a little degree tucked under your arm. It's called Rat Race. Don't Dans leur compétition, les prolongations. jamais sur la ganja. Par la même occasion, arrêtez le pastaga. Mais j'aime trop le bruit des glaçons. Et quand la fleur, ça sent bon les chichons. Moi je veux jouer les prolongations. Claquer deux ou trois buts avant la fin de la saison. Moi je veux jouer les prolongations. Avant la fin du match, on aura bien une occasion. Dans la compétition, les prolongations. Restez ici et profitez du temps qui reste. Les prolongations. Vous êtes dans le dos, tacle glissé, petit pont. Tous les moyens sont bons pour une qualification. Il reste peu de temps, il faut une égalisation. On joue pour se maintenir en première division. Moi je veux jouer les prolongations. Claquer deux ou trois buts avant la fin de la saison. Moi je veux jouer les prolongations. Avant la fin du match, on aura bien une occasion. Moi qui comptais rester seul dans ma grotte. Il y a un an, il est venu une minute. Monsieur l'arbitre, soyez généreux. Je ne peux perdre dans les arrêts de jeu. Car moi je veux jouer les prolongations. Claquer deux ou trois buts avant la fin de la saison. Moi je veux jouer les prolongations. Avant la fin du match, on aura bien une occasion. Les prolongations. Restez ici, profitez du temps qui reste. Les prolongations. Concentration, restez dans la compétition. Les prolongations. Restez ici de profiter du temps qui reste. Les prolongations. On est parti pour jouer la Ligue des Champions. My mind to save my phone. Vous êtes toujours sur la Vampire Freaks numéro 17, comme chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. On commencera ce bloc en live avec Nirvana et About a Girl du live at Reading en 1992. Dernièrement, j'ai reçu plein de sons. Je voulais tous vous remercier, animateurs radio, musiciens, managers et chaque personne qui m'envoie du son, car c'est grâce à vous que je peux faire découvrir ou redécouvrir des choses passées, présentes et futures. La Vampire Freaks, c'est un peu la DeLorean de la radio indépendante. Ainsi, j'ai le groupe de métal de Désillusion de Caen qui m'a envoyé quelques-uns de leurs titres. Ce soir, je diffuserai Jack l'Éventreur. Je diffuserai d'autres morceaux et on en reparlera d'eux, promis. Tiens, on s'écoutera un bon vieux Linton Kwesi Johnson. It Dread in England, c'est sur l'album Dread Beaten Blood, qui sorti en 1978. On peut entendre Dread Beaten Blood, donc Five Nights of Bleeding et Man Free, entre autres. Comme vous le savez, les vampires n'ont qu'une parole. J'ai une dédicace à faire à Vanina et Anya, qui nous écoutent à Madagascar via archive.org. Alors, je vous salue et je diffuserai Song Gang des Black Mug de Tananarive. Merci de suivre cette émission de là-bas, ça me fait un peu voyager. Et on finira ce bloc en live avec Noir Désir et Comme Elle Vient, du double CD en public paru en 2003. On retrouve tous les classiques de Noir Désir, c'est un album que j'aime beaucoup. Take it back. tu n'as le choix, le rattraper. Charge les ventreurs. Charge. Bradford Town, but the Bradford Blacks, them a rally round. Maggie Thatcher and the Haitian, West Indian, and Black British stand firm in England. In a this year time, yeah. Or no matter what they say, come what may, we are here to stay in England. In a this year time, yeah. George Lindo, him is a working man. George Lindo, him is a family man. George Lindo, him never do no wrong. George Lindo, he innocent one. George Lindo, he no carry no dagger. George Lindo, him is not no robber. George Lindo, them have to let him go. George Lindo, they better free him now. Call me up. inside a cellar floor. I stopped at an old console upon the funny little silly one. So let it be on. Uncle, uncle. So let it be on. Vous êtes toujours sur la Vampire Freaks numéro 17, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Il y a un mec que j'adore, c'est Dave Navarro. C'est pas parce qu'il est juge dans une émission de tatouage ou à cause de l'encre qui recouvre ses bras et son corps. C'est juste que c'est un grand guitariste que j'adore. Son groupe, c'est Jane Addiction. Je sais que vous appréciez ce groupe, alors je diffuserai Add a Dad. C'est sur l'album Nothing Shocking, paru en 1998. On peut entendre sur cet album Up the Beach, Ted Just Admit It, Jane Says et It Just Rule notamment. Si on s'écoute un bon vieux punk, tiens, Ludwig von 88, ça vous dit? Je passerai Mac Tyson, c'est sur l'album Oulala 2, La Mission, sorti en 1987. On reviendra en 2012 avec Talco et le titre Teleternita, tiré de l'album Grand Gala. On retournera en 1983 avec Peter Tosh et Phil Noé, c'est sur l'album Mama Africa, sixième album studio de Tosh. J'adore cet album. Et on finira ce bloc en live avec Steel Pulse et Roller Skate du live Rastafari Centennial à l'Élysée Montmartre en 1992. Mais à l'origine, ce morceau est sorti en 1984 sur l'album Earth Crisis. Et on retrouve aussi sur cet album Stepping Out, Throne of Gold, Earth Crisis et White Goose Chase notamment. We'll be right back. is, I am the king. Can't you hear the crowd? e silenzio fa che il campasse non l'ha di qua. Ti aggrappa il cielo e resiste, non vi fu caggio. Ma rifioriamo nel sacro vento dell'opportunità. Chiamalo se vuoi, miracolo, resurrezione. L'eternità. Dall'eternità. Padri di beata mondanità. Sofferente tacito melia, giacciono scomposti nella mia credulità, che non sia il tuo, ma la sola cosa volar via. L'eternità. L'eternità. Padri di beate mondanità. We'll be right back. Cette 17e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. J'espère que vous avez encore passé une bonne soirée. Personnellement, je me suis régalé. Et comme j'aime vous faire voyager, je vous emmènerai en Afrique du Sud pour finir avec Johnny Clegg and the Savuka et le titre Scattering of Africa, c'était en 1985. Excellente soirée à toutes et toutes la tribu. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike de Morchaine 43 débarque dans votre salon. Allez, salut. The copper sun, African.